Chapitre 7. Le lendemain, Louise m'amena le petit pour qu'il me demandât pardon. « Voilà Henri qui vient te demander pardon parce qu'il n'a pas été sage hier. Il m'a promis de ne plus recommencer. Est-ce vrai ? » dis-je, et je tendis la main à Henri. Alors, comme s'il récitait une leçon, « Papa, il m'appelait papa, je viens te demander pardon parce que hier je n'ai pas été sage, mais je te promets de ne pas recommencer. »« Ça va bien, » lui répondis-je. Et je lui souriais, mais lui, il ne souriait pas. Il tenait la tête baissée. Au bout d'un moment, il la redressa, ce fut tout, et sa mère lui dit, « Maintenant, Henri, il te faut aller. » La cloche de l'école sonnait justement. Son sac d'écolier était préparé sur la table, avec un morceau de pain et du chocolat enveloppé dans un papier. Il mit le paquet dans sa poche, puis, s'approchant de sa mère, il l'embrassa. Il se préparait à sortir. « Et papa, tu ne l'embrasses pas ?» dit Louise. Il vint à moi et me tendit le front. Notre vie recommença comme si rien ne s'y était passé. Même, il semblait que tout dût aller mieux que jamais, parce que les regrets que j'avais me faisaient redoubler d'égards auprès de Louise. Quand je prenais sa main, je sentais entre mes doigts son alliance un peu grasse, à cause de l'eau de vaisselle où elle trempait tout le jour. Alors je me disais que rien ne pouvait valoir au monde le trésor d'une femme dévouée et fidèle. Un élan se faisait en moi, je m'élevais au-dessus de moi-même, je devenais pareil à elle afin de mieux la mériter. Pourtant, elle n'arrivait pas à engraisser, ni à prendre meilleure mine. La petite tache bleue à ses tempes s'élargissait toujours plus. À cause de ses joues qui allaient se creusant, sa bouche avançait toujours plus, elle se voûtait toujours plus. Le seul signe de santé qu'elle donna était le rose de ses pommettes, mais peut-être n'était-ce pas un signe de santé. Je lui disais souvent « Il faut te reposer ». Elle ne m'écoutait pas. Il se faisait une espèce de rivalité entre nous quant à la peine que nous nous donnions pour faire marcher le ménage. On aurait dit qu'elle voulait me prouver qu'à ce jeu-là, je n'étais pas le plus fort. Quels que fussent les services qu'on eût à lui demander d'ailleurs, on ne s'adressait jamais inutilement à elle. Les preuves ne manqueraient pas si j'avais ici la place de les énumérer. Ce serait Montagnon quand il s'était cassé le bras. Ce serait le bon ami d'Élise et comment il fut invité chez nous tous les dimanches afin qu'elle ne fût pas tentée d'aller courir. Ce serait aussi la Zazie. C'était une vieille bougresse de 8 ans de passé qui faisait peur avec son grand nez de sorcière, sa tête enfoncée entre les épaules et sa petite voix aigrelette dont elle ne se servait que pour dire du mal des gens. Elle habitait dans notre maison une petite chambre de 4 francs par mois. Elle ne vivait que de charité, mais sa mauvaise langue l'avait fait chasser de partout. Alors, elle était tombée dans une affreuse misère. En même temps, la maladie s'était abattue sur elle et elle n'avait plus pu quitter son lit. Que serait-elle devenue sans Louise ? Mais, dès que Louise avait appris par des voisines que la Zazie était malade, elle était allée la trouver. J'avais accompagné Louise. Il fallait se tirer par une corde en haut d'un escalier de bois, raide et étroit comme une échelle. Sous le renfoncement du toit, il y avait une paillasse posée à cru sur le plancher. La Zazie s'y trouvait couchée. Elle leva la tête de dedans le paquet de loques qui lui servait d'oreiller. Nous nous étions approchés d'elle. Elle nous regardait approcher. Elle ne disait rien. On était en hiver. Il faisait très froid dans la chambre. Elle toussa par deux fois d'une toux qui semblait lui venir de dedans les jambes, tant elle avait de peine à sortir. Ce fut tout. « Écoutez, dit Louise, qui s'était penchée sur elle, je voudrais refaire votre lit, parce que vous êtes mal couchée. » L'autre ne parut pas entendre, et comme elle voyait qu'il ne lui restait plus qu'à s'en aller ou à passer outre, Louise, malgré ce silence, et avec 1000 précautions, la prit entre ses bras pour la soulever. Aussitôt, la Zazie se mit à gémir, et ses gémissements devinrent de vrais cris quand je m'avançais pour aider Louise. « Est-ce qu'on vous fait mal ?» Aucune réponse, seulement je voyais briller méchamment dans l'ombre le petit œil gris de la Zazie, dirigé tour à tour sur chacun de nous deux. Tout à coup, elle éclata. « Vous voulez donc ma mort » criait-elle. « Que vous vous mettez à deux pour me tourmenter ? Quel mal vous ai-je fait ? Aïe, aïe, quel mal, dites ! Ou bien si vous êtes seulement enragée contre moi !» Pourtant, Louise ne se découragea point. Le lit, une fois fait, et la Zazie tranquillisée, elle descendit lui chercher à manger. Elle remonta avec une bonne assiette de bouillon et des œufs à la coque, et depuis ce jour-là, malgré tout l'ouvrage qu'elle avait déjà, elle ne laissa jamais la Zazie manquer de rien. Elle fut seule jusqu'au bout à s'occuper d'elle, tout le monde l'ayant abandonnée. Enfin, la vieille mourut. Un soir, comme j'allais me coucher, Louise m'avait dit « Ne t'inquiète pas si je ne viens pas te rejoindre. La Zazie va plus mal. Alors il faut bien que quelqu'un soit là. » Je lui avais demandé « Es-tu seule ?»« Non, il y aura aussi sa nièce, parce que je l'ai envoyée chercher. Mais elle dit qu'elle aimerait bien que je lui tienne compagnie. » Je l'avais laissée monter. Il n'y avait pas moyen de l'en empêcher. Longtemps, je l'avais attendue. J'avais fini par m'endormir. Il était peut-être 3 heures quand la porte, tout doucement, s'ouvrit, mais je ne dormais que d'un œil. J'avais laissé la lampe allumée, je vis Louise qui entrait. Elle avait les épaules et la tête enveloppées dans un gros châle de laine noire, et peut-être était-ce le contraste de cette couleur noire et du blanc de la peau, mais je fus effrayée de sa pâleur, cette nuit-là. Comme elle s'approchait du lit, je tenais mon regard posé sur elle, il semblait qu'elle eût voulu l'éviter. Elle se débarrassa de son châle, qu'elle pendit au dossier d'une chaise, mais quand elle eut fini, elle ne releva pas la tête et ne se tourna pas vers moi. Un instant, elle eut l'air de ne pas savoir quoi faire, puis elle leva lentement ses mains, elle s'en couvrit la figure. En même temps, ce fut comme si quelque chose dans ses jambes avait cassé, elle se laissa tomber sur une chaise. « Louise, qu'as-tu ? » Elle ne répondit pas. « Qu'est-ce qu'il t'est arrivé, Louise ? » Oh ! Finit-elle par dire, « C'est horrible. Si tu avais vu. » Il fallut que je lui arrachasse les phrases mot à mot, mais je finis par tout savoir. La Zazie était morte, elle avait toussé son reste de vie. Du fond de son corps délabré, le dernier souffle était enfin sorti, mais jusqu'au bout elle s'était débattue, car elle ne voulait pas mourir. Je disais, « Et puis quoi ?» Louise me répondit, « Oh, vois-tu, elle se cramponnait au drap, elle mordait l'oreiller. Et puis quoi ? Oh, Samuel, tu ne sais pas. » Elle disait que c'était ma faute. Comment ta faute? Oui, entre deux hoquets, et toutes les fois qu'elle pouvait parler, c'est vous qu'elle disait, c'est vous qui m'avez tué, avec votre poison. Une vieille folle. Oh non, elle me regardait, elle savait bien ce qu'elle disait. Du bouillon empoisonné, disait-elle, et c'est exprès que vous me le donniez dans une tasse, parce qu'on ne voit pas ce qu'il y a au fond. Elle me disait, vermine, serpent, boîte à poux. Elle a tout dit, jusqu'au dernier souffle. Elle est morte en m'insultant. Je haussais les épaules. « C'est de quoi tu t'inquiètes ?» Mais je ne réussissais pas à la tranquilliser. Et quand elle a été morte, on n'est pas arrivé à lui fermer les yeux. Elle les tenait tournés vers moi. Quand on pesait sur les paupières se relevaient. Alors je me suis demandé si peut-être je ne m'étais pas donné assez de peine, ou bien si je n'avais pas eu assez de ménagements avec elle. Et tout le temps, je me le suis reproché. Je me le reproche encore maintenant. Cette fois, je me fâchais. « Voyons, Louise, ne dis pas des bêtises. » « N'as-tu pas fait tout ce que tu as pu ? Tu sais bien qu'elle était méchante, tu n'avais qu'à la laisser parler. Et puis à présent elle est morte, est-ce qu'il ne vaut pas mieux pour elle et pour tout le monde qu'elle soit morte ?» Mais Louise répétait, « Je ne peux pas me l'ôter de devant les yeux. » Je m'étais levée, je l'aidais à se déshabiller, puis quand elle fut étendue près de moi, elle fut longue à se réchauffer, et longtemps des frissons l'avaient secouée. « Louise, ça ne peut plus durer comme ça. » J'avais passé mon bras sous son cou, et attirant sa tête au creux de mon épaule, « Tu te fatigues trop, Louise. Tu te détruis exprès la santé. Si tu te tourmentes à propos de tout, avec l'ouvrage que tu as déjà, comment veux-tu que tu ne t'épuises pas à la longue ? Tu devrais te raisonner. » Elle m'écoutait, en fermant les yeux. « Alors, sais-tu ce qu'on va faire ? Je gagne 7 francs maintenant. On a des économies. On va remettre le restaurant. On s'installera quelque part hors de ville. Tu pourras te reposer. » Jusqu'alors, elle ne m'avait pas interrompu. Quand j'en fus arrivée là, elle secoua la tête. « Tu ne veux pas ?» De nouveau, elle secoua la tête. « Pourquoi ne veux-tu pas »« Qu'est-ce que je ferai ? » demanda-t-elle. « Je te l'ai dit, tu te reposerais. Je ne servirai plus à rien. N'as-tu pas déjà assez servi ? N'est-ce pas grâce à toi que ce que nous avons est à nous ? Ce n'est pas une faveur que je t'accorde. C'est un droit que tu as, après tout. » Et ne comprends-tu pas qu'à te voir te tourmenter, moi aussi je me tourmente? Ça vaudrait mieux pour l'un comme pour l'autre. Non, vois-tu, me dit-elle, le jour où je ne me sentirai plus utile à personne, je ne pourrai plus vivre. Au lieu de me faire du bien, le repos me tuerait. J'eus beau faire, j'eus beau dire, j'eus beau me servir des mots les plus doux et les plus pressants, la supplier, gronder, élever la voix, elle restait butée à son idée. Et je voyais qu'en insistant, je ne ferais que la chagriner davantage. Si bien que je finis par me taire, je lui dis, « Eh bien, n'en parlons plus. » Peu à peu, elle cédait au sommeil, Il était 4 heures passées. Moi, je fus longtemps avant de me rendormir. Je cherchais les raisons qui la faisaient s'obstiner ainsi, et celles que je crus trouver me faisaient peur. C'est que je n'avais pas de peine à me rappeler certains soirs, après la scène de la cuisine, et ce qu'elle m'avait dit ce soir-là quand elle avait dit « c'est ma faute », quand elle avait dit « je n'ai point eu d'enfant de toi ». L'explication de sa conduite devenait claire. Du moment qu'elle ne m'avait rien donné, elle ne voulait rien me devoir. Restait le petit, j'avais tenu parole, j'avais cherché à l'aimer. Jamais je n'avais eu pour lui un mot plus haut que l'autre depuis ce certain soir. Jamais je ne m'étais conduit avec lui de façon à lui faire entendre qu'il n'était pas mon fils. Je mettais à cela toute ma bonne volonté et toute la grande amitié, si c'est le mot, mais amour n'irait pas, et la grande reconnaissance que j'avais pour sa mère. Seulement le cœur y manquait. Le cœur est la première chose qui nous échappe de nous-mêmes. Pourtant, rien ne se fait sans lui. Quant à Henri, continuant à méditer là-dessus, il était avec moi complètement changé. Plus un instant de mauvaise humeur, plus jamais de ces grogneries d'enfant gâté comme autrefois. Il se montrait, au contraire, trop docile, trop obéissant avec moi, trop sage aussi, et d'une sagesse sans vie, trop silencieux, se surveillant trop. Quand je lui adressais la parole, il me répondait. Il ne me parlait jamais le premier. Il avait tous les prix à l'école. Il passait ses soirées à faire ses devoirs. On ne le voyait jamais courir dans la rue avec les gamins de son âge. Il avait brusquement grandi et bien avant le temps. Les bas tenaient mal à ses jambes maigres. J'avais pitié de ses pauvres mollets. Je disais quelquefois à sa mère, j'aimerais mieux lui voir des couleurs et qu'il fût le dernier de sa classe. Elle me disait, peut-être bien que tu as raison. Mais je sentais qu'elle était fière de lui. Les succès de son fils étaient une consolation pour elle. Elle se plaisait à feuilleter ses cahiers d'école sans une correction et où, au bas de chaque page, était écrit un 10 à l'encre rouge. Quand Henri rentrait, vite elle allait le rejoindre dans sa chambre où il avait sa table à lui, avec un encrier à lui, et là, assise à son côté, longuement elle se faisait raconter ce qui était survenu à l'école, si on l'avait interrogé, et quelle note il avait eue. Elle revenait de là-haut, l'œil brillant, des couleurs aux joues, le teint tout à coup avivé. J'étais jaloux. Henri ne se montrait qu'au moment du repas. Il venait à moi, me tendait le front et me disait « Bonsoir, papa », mais il pensait à autre chose. Chapitre 8. J'ai été insouciant, je sais bien. J'aurais dû prendre une décision plus vite. Mais c'est aussi que mes moments d'abattement ne duraient pas, parce que tout continuait de bien aller dans mes affaires, au chantier comme à la maison. D'autre part, étant en bonne santé, je m'illusionnais sur celle des autres. Je me disais « Tu exagères, c'est de la fatigue chez Louise, c'est aussi son caractère, elle est portée à voir tout en noir. » Je secouais promptement de moi ce qui aurait pu gêner le besoin de vie que j'avais, et mon gros sang allait et venait dans mes veines, chassant mes derniers soucis. J'aimais à rire, j'aimais à être gai. Peut-être qu'en me lisant, on ne s'en rend pas assez compte. Mais c'est que je n'écris ici que l'essentiel. Dans le quotidien, je me montrais un tout autre homme. J'avais besoin de bonne humeur autour de moi. Je prenais Louise par les deux épaules, je lui disais « Allons, ris, c'est encore ce qu'il y a de meilleur au monde ». Elle s'y obligeait pour me faire plaisir. Je ne me doutais pas qu'elle se forçait. C'est ainsi que le soir, je restais souvent à causer avec nos pensionnaires, jusque très tard dans la soirée, sans penser qu'elle était debout depuis 5 heures du matin. Je n'y mettais aucune mauvaise intention, on le comprendra sans peine. Si j'ai été dure pour elle, ce fut sans le vouloir. Il n'en reste pas moins qu'elle se fatiguait toujours plus. Sur ces entrefaites survint l'hiver de 80. Pénible hiver et drôle d'hiver. De la neige, puis de la pluie, de fortes gelées, puis presque du chaud. Il tomba en plein mois de décembre de la grêle, et le vent qui venait d'en bas, faisant remonter les grêlons, il claquait contre l'avant-toit. Elle prit froid, elle se mit à tousser. Un soir, je la trouvai au lit, elle avait une forte fièvre. Le médecin parla d'une bronchite, et comme je le raccompagnais, « Voyez-vous, me dit-il, j'aime autant ne pas vous le cacher. Il faudra beaucoup de soins et de précautions avec elle. Votre femme n'est pas forte, elle s'est usée au travail. Elle est à la merci de tout ce qui peut se présenter. » Je lui demandai ce qu'il y avait à faire. « Rien pour le moment, me répondit-il, il n'y a qu'à laisser la maladie suivre son cours, mais une fois qu'elle ira mieux. » On avait poussé une table tout contre le chevet du lit. Sur la table, près de la lampe, un pot de tisane fumait. Le petit Henri, qui ne quittait plus sa mère, s'était installé près d'elle avec ses livres et ses cahiers. Je réfléchissais. C'est que j'avais été ramené brutalement à la réalité. On a parfois des œillères comme les chevaux. Comme je n'osais rien dire, je me contentais de venir m'asseoir à côté du petit et prenant les mains de Louise, « Est-ce que tu te sens mieux ?» Elle hocha la tête. Elle ne voulait pas être malade. Même, elle me reprocha doucement d'avoir fait venir le médecin parce que les visites coûtaient cher. Je ne discutais pas, mais cette fois j'étais décidée. Le médecin m'avait dit « Ce qu'il lui faut, c'est du bon air et du repos. Vous n'avez pas assez de soleil ici. C'est étroit, étouffé. Et puis elle travaille trop. En la changeant de milieu, vous la changerez aussi d'habitude. » J'allais parler de mon projet à M. Guignard parce que j'avais confiance en lui. Il m'approuva entièrement. Il m'adressa à un de ses amis, un M. Bron, gérant d'immeubles, qui me procurerait, disait-il, ce que je cherchais. J'avais auparavant fait mes comptes. Il se trouvait qu'en ces 9 ans et demi, nous avions réussi à mettre de côté 15 000 francs. Je comptais bien en tirer 3 000 de la boutique, d'où un total d'environ 18 000. C'était plus qu'il n'en fallait. M. Bron m'écouta, prit des notes et me dit qu'il m'écrirait. 8 jours après, sa lettre m'arrivait déjà. Comme c'était Louise qui l'avait reçue, elle me demanda de quoi il s'agissait. Je lui répondis que c'était une convocation, rapport à une affaire où je devais remplacer M. Guignard. M. Bron me dit « Il y a 1 400 mètres de terrain en nature de verger, avec un petit jardin, 2 chambres au rez-de-chaussée, 2 autres au premier étage. Ça vous irait quant à la place ?»« Oh, mon Dieu !» lui dis-je, « c'est bien assez grand pour nous. » »« Quant au prix, » reprit-il, « ce serait 12 000 francs. Ça vous irait-il, quant au prix ?» Je lui répondis qu'il me fallait voir. C'était à 20 minutes au-dessus de la ville, dans un endroit bien aéré. La maison était inhabitée, en sorte qu'on pouvait s'y installer dès qu'on voudrait. Je ne me pressais pas, je revins par 3 fois visiter la propriété. Pour les réparations, je fis faire un devis à un entrepreneur. Mais, une fois que tout fut bien pesé, je ne laissais pas traîner les choses. Quelques jours après, l'acte était signé. Pour la boutique, le même M. Bron m'aida à trouver acquéreur. Comme notre commerce marchait bien, il n'y eut que l'embarras du choix. La seule difficulté fut que les amateurs naturellement voulaient voir, et Louise pouvait se douter de quelque chose. Je lui racontai de nouveau une histoire. Il ne lui vint même pas à l'idée de mettre en doute ma parole. Je m'étais arrangé pour que tout se trouve après en mars, parce qu'il allait y avoir 10 ans, à la fin de ce mois-là, que nous nous étions fiancés. Donc ce dimanche, je vins, et je demandai à Louise si elle voulait sortir avec moi. Elle voulut bien, par exception, mais comme j'ai dit, c'était un dimanche qui ne ressemblait pas aux autres. Nous laissâmes Henri à la maison, quoiqu'il eût bien envie de venir avec nous. « Ça va nous rajeunir, » avais-je dit à Louise. « 10 ans déjà, comme ça passe. Nous devenons vieux sans nous en douter. Alors ce sera comme si on ôtait un peu de l'âge qu'on a de trop, vois-tu ? Un vieil habit qui vous sert aux épaules. » J'étais tout heureux en dedans. Et bien que je tâchasse de n'en rien laisser voir, à cause de la surprise que je lui avais préparée, j'avais beau faire, ça perçait. Je pensais, je ne vais plus rien dire, sans quoi elle devinera tout. On montait par les vignes, entre les petits murs. Comme il avait plu la veille, l'eau coulait par les trous des murs. Il y avait partout des petites cascades, elles tombaient dans la rigole. Elles avaient fini par faire ensemble un vrai ruisseau qui filait à côté de nous, roulant du gravier et des pierres. Mais bientôt on sortit des vignes et on arriva parmi les vergers. On traversait un petit hameau de 2 ou 3 maisons nommées Bernet. On n'avait plus ensuite que quelques pas à faire. Nous marchions très lentement. Le hameau paraît avec ses fumées. Je dis « Voilà Bernet ». Elle me répond « Voilà Bernet ». Nous nous avançons encore un peu. Tout à coup, au tournant du chemin, au-dessus des pommiers encore gris, mais où les boutons à fleurs étaient déjà sur le point d'éclater, un toit sort et 4 murs blancs fraîchement crépis. Elle dit « Tiens, c'est drôle, voilà une maison que je n'avais pas encore vue. Si, tu l'as souvent vue, mais c'est qu'elle a été remise à neuf. Elle est jolie, ça c'est vrai, dis-je, ils l'ont joliment réparée. Elle doit être agréable à habiter, pourquoi est-ce qu'elle est fermée ? Peut-être bien, lui dis-je, que les nouveaux propriétaires ne s'y sont pas encore installés. » « Les nouveaux propriétaires ?»« Oui, l'ancien est parti pour l'Amérique. Alors on l'a vendu, tu comprends ?»« À propos, repris-je, comme si brusquement le souvenir me revenait, tu les connais, les nouveaux propriétaires ?» Elle eut l'air très étonnée. Elle ne connaissait pas grand monde, en effet. « Qui est-ce ? Devine pour voir. »« Je ne pourrai jamais. » « Essaie toujours. Monsieur Guignard. » Je me mis à rire. « Monsieur Guignard, lui qui a déjà 3 ou 4 maisons, il faut en laisser à ceux qui n'en ont point encore. Je peux bien te le dire, c'est quelqu'un qui n'en avait point. À présent, il en a une, ce quelqu'un. » Je cherchais ainsi à l'aider, mais ce fut inutilement. Toutes nos relations étaient trop pauvres ou déjà pourvues, et comme elle se tourmentait à chercher, ça n'a point d'importance, je te dirai ça plus tard, viens toujours. Je la fis entrer dans le jardin. Il y avait une petite grille de bois qui fermait au verrou. J'avais tiré le verrou. Est-ce qu'on ose ? Bien sûr qu'on ose, puisque je te dis que nous connaissons les propriétaires. Elle avait une drôle de petite mine amusée que je ne lui avais jamais vue, et on se promena dans le jardin, pas encore semé ni planté, mais où étaient quelques vieux arbres. De là, on pouvait passer facilement dans le verger. On fit le tour du verger, les premières pâquerettes s'y montraient, poussant par touffes dans les endroits humides. Louise en fit un bouquet. Moi, je tenais les clés dans ma poche et je les serrais au creux de ma main, brûlant de les sortir au bon moment. Je dis, il nous faudrait tâcher d'entrer. Tu es fou. Pourquoi ça? La vue doit être jolie. Je pèse sur la poignée de la porte. L'ennuyeux, c'est que c'est fermé. Bien entendu, dit-elle. Crois-tu qu'on laisse une maison ouverte au bord d'un chemin comme ça? J'eus l'air de réfléchir. Ça ne fait rien. Je suis têtu quand je veux. J'ai dans ma poche les clés du chantier. Peut-être qu'elles ouvriront. » Je tire le trousseau de ces prétendues clés. Comme on comprend, c'étaient les bonnes. Je fais en sorte de commencer par la clé de la cave, puis ce fut celle du grenier, puis celle d'une porte intérieure, et je secouais la tête comme si je me décourageais. Elle m'avait pris le bras. « Samuel, on pourrait te voir. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse ?» J'en étais arrivé maintenant à la clé qui devait ouvrir. On entend crier le ressort, et à la façon de quelqu'un qui est tout le premier surpris, « Sapristi ! » criai-je, « ça ouvre !» On aperçut le corridor, soigneusement peint en jaune et qui sentait encore l'huile. La porte va plus loin et bat contre le mur, c'est tout grand ouvert, je lève les bras, je dis « pas possible !» Et puis, comme hésitant, « il nous faut quand même essayer d'entrer !» Elle fait un pas en arrière, mais je la pousse doucement, je la force à s'avancer, je m'introduis à sa suite. Je referme la porte, et parce qu'à présent on ne pouvait plus nous voir. Ah, ma pauvre Louise, tu es toujours la même. Tu as le cœur trop bon. Tu crois à tout ce qu'on te dit. Je t'ai menti, vois-tu, ma pauvre Louise. Tu peux entrer sans te gêner. » Elle fit un geste. Elle ouvrit la bouche. Mais je voyais qu'elle n'avait pas compris encore, alors je dis « Les nouveaux propriétaires, c'est nous. » Elle dut s'appuyer au mur. Le premier sentiment qu'elle eut fut de la peur. Je le prévoyais bien, c'est pourquoi j'avais cherché à la préparer, mais il n'y avait pas moyen avec elle, et le coup eût été trop brusque, comment que je m'y fusse pris. Elle avait fermé les yeux, quand elle les rouvrit, ses paupières battirent comme si elle était prise d'un éblouissement. J'avais passé ma main sous son chignon, je la soutenais par la nuque, et doucement, me penchant vers elle, « Louise, Louise, n'aie pas peur, laisse-toi faire, c'est une petite surprise que je t'avais préparée, pardonne-moi. » Elle ne se défendait plus. Ses yeux s'étaient tournés vers moi, et j'y lisais maintenant une espèce de confiance, parce que, n'est-ce pas, c'était quand même une preuve d'amour que je lui avais donnée, n'ayant songé qu'à elle, m'étant occupée de tout. Elle me remercia du regard. J'avais recommencé. « Tu vas être bien ici. Tu te reposeras. C'est la seule façon de te guérir. Tu deviendras tout à fait forte, et le petit aussi sera au bonheur. » Elle me remercia pour la seconde fois du regard d'avoir pensé à lui aussi. Et, comme je m'étais tue, elle me tendit ses lèvres. Nous allâmes de chambre en chambre. Tout fut visité. Les contrevents ayant été poussés, le soleil entrait partout à flots contre les vernis frais et les plafonds reblanchis. On vit que la cuisine était commode parce que très claire et carrée, avec un carreau neuf et un fourneau potager que j'y avais fait installer. Il y avait un débarras à côté de la cuisine, il y avait 2 caves, il y avait sous le toit une espèce de galetas, il y avait dans le jardin une maisonnette où on pouvait serrer les outils. La place ne manquait pas. et les chambres d'en haut, comme celles d'en bas, avaient chacune deux fenêtres. Il avait tout de suite été entendu que nous coucherions au premier et que le petit Henri logerait à côté de nous. Ensuite, nous nous occupâmes de voir comment nous placerions les meubles, mais la question fut vite résolue, car nous n'en avions pas beaucoup. Nous sortîmes dans le soir, je refermai soigneusement la porte. J'étais jaloux de mon nouveau chez-moi. Comme nous arrivions au hameau, une grosse femme vint à notre rencontre. « Je vous ai vu à la fenêtre tout à l'heure. J'ai bien pensé que vous étiez les nouveaux propriétaires. Êtes-vous content ? Tout va bien pour le moment, dis-je, pourvu que ça dure. » Elle se mit à rire. « Pourquoi est-ce que ça ne durait pas ?» Elle avait la figure rouge, un air de bonne humeur, des dents blanches qu'elle montrait. Elle reprit « Je me suis dit qu'il nous fallait faire connaissance. On peut avoir besoin les uns des autres entre voisins. » Elle nous invita à entrer chez elle. Je n'en avais pas grande envie, mais elle insista tellement que je fus forcée d'accepter. C'était une dame à Maudru. Il se trouva que son mari avait travaillé autrefois à la scierie. Nous eûmes vite trouvé un sujet de conversation. Il voulut absolument que je prisse un verre avec lui, et Madame à Maudru offrit le café à Louise. Quand nous repartîmes, le soleil était près de se coucher. On descendit tout tranquillement le chemin. Des enfants jouaient à la bête noire autour des maisons. Des hommes, les mains dans les poches, fumaient la pipe. Ils regardaient du côté du sud, d'où viennent les vents de pluie. Ils disaient « la vigne aurait besoin de pluie », mais la pluie ne semblait pas vouloir venir. Moi, je disais à Louise « est-ce que tu te sens bien ?» Elle hocha la tête, tout était pour le mieux. J'aurais voulu hâter la venue des fleurs aux branches des pommiers. J'aurais voulu que le soleil fût encore plus clair au-dessus de nous et des choses. J'aurais voulu qu'il y eût une fête autour de nous, comme dans mon cœur. Le petit Henri nous attendait, on lui annonça la nouvelle. Il n'eut pas l'air au premier moment de s'en soucier, à peine s'il parut surpris. Mais quand il vit le regard de sa mère et qu'elle se baissa pour l'embrasser en lui disant « Voyons, Henri, n'es-tu pas content ? Tu vas avoir de la place pour courir. » Il changea tout à coup de mine. Il hésita, il parut réfléchir, puis demanda « Maman, écoute, dans notre nouvelle maison, est-ce que je pourrais avoir des lapins ?»« Bien sûr, lui répondis-je, tant que tu voudras. » Il tourna vers moi le haut de son œil, avec un air d'étonnement de me voir lui répondre à la place de sa mère. Il recommença « J'aimerais en avoir des blancs. » Il n'y eut que nos pensionnaires qui ne furent pas contents. Heureusement que nos successeurs étaient des personnes comme il faut et bien recommandées. Pendant quelques jours, nous restâmes avec elles afin de les mettre au courant. On déménagea le 15 avril, on dut faire deux voyages parce que la montée était assez dure. J'avais loué un char à banc au Cygne et c'était Ferdinand du Cygne qui conduisait. Un drôle de corps, ce Ferdinand, grand, maigre, débraillé, très sale, boiteux par-dessus le marché, les cheveux toujours pleins de débris de foin et de paille. Jamais je ne me serais cru tellement attaché à lui. Je voyais tout à coup qu'il allait me manquer. Quand les derniers meubles eurent été chargés et on tirait, Ferdinand et moi, sur la corde, pendant que le canapé rouge, les jambes en l'air, oscillait au sommet du temps, cette impression s'accentua encore. Il nous fallait quitter notre vieux quartier. Ferdinand le résumait un peu pour moi, le quartier, et les 10 ans de vie que j'y avais vécu. Comme un petit chat en jouant s'en mêle dans le peloton, ainsi notre cœur se prend dans les choses, on est tenu par 1000 fils. Je regardais encore une fois devant moi la rue avec son gros pavé et ses toits avançant. Dans la maison d'en face où habitaient de vieilles demoiselles, les rideaux s'écartèrent un peu et une tête se montra. Le bruit du fer combat venait de chez le maréchal Ferrand. C'était comme si tout cela eût été déjà du passé. Et moi, je flottais dans le vide. C'est drôle que même nos joies soient ainsi mélangées de petits chagrins. Le char, cependant, avait démarré. Et Ferdinand courait à côté du cheval. Moi, je regardais les petites fumées monter doucement dans le ciel, avec leurs fins écheveaux bleus. Et la main sur la mécanique, je levais encore par moments la tête, m'étonnant de voir fuir l'une après l'autre les fenêtres, comme des yeux qui se seraient fermés. Je trouvais Louise, elle aussi, toute triste, et pour les mêmes raisons que moi. Mais le travail eut vite fait de nous changer, comme on dit, les idées. Ce n'était pas la besogne qui manquait. Elle avait la maison à installer, moi le jardin à faire, nous nous y mîmes sans plus de retard. Je retournais la terre, L'ayant retournée, je la criblai entièrement parce qu'elle était pleine de cailloux. Je dessinai les plates-bandes, je fis venir du fumier, enfonçant alors mon plantoir, et le pouce suit le plantoir, et la graine est au bout du pouce, j'eus bientôt l'espoir pour l'été de tout un grand carré de pois. Je semai des haricots et des laitues. Ce fut ensuite le tour des plantons de choux qu'il faut arroser soigneusement à l'eau grasse, sans quoi ils dépérissent vite. Mais quand ils sont en pleine croissance, rien n'est plus robuste. Je traçai les lignes au cordeau afin qu'elles fussent bien droites. Certaines semences demandent à être enfouies, d'autres veulent simplement être répandues à la surface du sol. Quel que fût mon travail, j'y mettais les mêmes soins. Il faut de l'amour à ces choses. Le soir, en revenant du chantier, je me dépêchai d'ôter ma veste, et ayant changé mes souliers contre des bottes à forte semelle, j'empoignai ma pelle à fossoyer. Par les fenêtres, je voyais Louise aller et venir dans la maison. De temps en temps, elle secouait son torchon à poussière par la fenêtre. Je lui faisais signe de la main. On entendait Henri l'appeler « Maman, tu sais, il mange !» Elle disait « Eh bien, tant mieux, mais tu as bien soin de ne pas leur donner de l'herbe mouillée, ça les ferait crever. » Moi, les mains appuyées sur le manche de mon outil, je me reposais un instant. Les fleurs du cerisier avaient déjà passé, les feuilles étaient venues, et la haie, épaissie, me cachait le chemin. Mais, au-delà de la haie et du chemin, les montagnes étaient restées qu'on voyait toutes du jardin. On avait en face de soi la dent d'Oche, plus en arrière venaient les sept pointes de la dent du Midi, puis c'étaient les Jumelles et le Gramont. À cet endroit, la chaîne était coupée par la profonde entaille de la vallée du Rhône. Ensuite, revenant vers nous, rangés en cercle, dans un bel ordre, avec par-ci par-là des glaciers qui brillaient, on avait les Alpes vaudoises, la dent de Morcle, le Muvran, les Diablerets, tout au fond, la Bécasse d'Audon, et enfin, bordant de nouveau le lac, les sommités toutes voisines, grises et vertes, celles-là, avec leurs vraies couleurs et non plus leurs vêtements d'air, les rochers de Naye et Jamon. Mais tout cela n'était qu'au premier rang. Par derrière ce premier rang se succédaient à perte de vue d'autres pointes, de plus en plus indistinctes, à mesure que plus lointaines, et on ne reconnaissait leur hauteur qu'autant que le soleil mettait à les quitter. Quand celle de devant était grise, longtemps encore tout là-bas, quoique basse pour l'œil et pas plus grosse que le doigt, telle ou telle continuait solitairement de briller. On aurait dit, dans le pâle de l'air et sous le plafond assombri du ciel, une petite lampe rose. Encore deux ou trois coups de fossoir, c'était le moment de rentrer. La soupe attendait dans la chambre d'en bas, on n'avait plus de servante, Élise s'était mariée et Louise prétendait qu'elle pouvait se tirer d'affaire seule. Nous n'étions plus en effet que trois à table. On s'étonnait les premiers temps de la petitesse de la soupière et de ne voir dans la corbeille qu'une unique miche de pain. On avait apporté la lampe à suspension de la rue du marché, bien qu'elle donnât trop de lumière pour la chambre, mais on avait l'habitude. On causait, le temps passait vite, Louise ne toussait plus du tout. Je lui disais « Alors, tu vas tout à fait bien ?» Elle me répondait « Tout à fait bien. Tu vois que je n'avais pas tellement tort. » Elle ne disait plus rien. Elle bougeait un peu ses mains dans le creux de son tablier, les passant l'une sur l'autre, puis, relevant les yeux, elle les posait sur moi. On se tenait après le souper dans le jardin, la saison s'étant avancée. Des fois même, on mangeait dehors. Il y avait un marronnier, on installait la table sous le marronnier. Après qu'elle avait été couchée le petit, Louise venait me rejoindre. Les pommes grossissaient aux arbres du verger. Quelques-unes étaient déjà rouges, mais le clair de lune les faisait pâlir. On y voyait pourtant encore assez pour les distinguer devant soi, toutes rondes, au bout des branches. Elles avaient l'air de petites lanternes qu'on aurait oublié d'allumer. Tout un vol de moucherons tournait autour de la lampe. Quelquefois aussi venaient des papillons de nuit. C'étaient des gros gris, avec un corps épais et une lourde tête, où brillaient deux petits yeux noirs. Ils battaient maladroitement des ailes, faisant de la poussière avec. Ils finissaient toujours par se brûler à la flamme et tombaient sur la toupie grasse où longtemps ils se débattaient. Je devais, pour les achever, les écraser entre mes doigts. Louise détournait la tête. « À quoi ça servirait-il de les laisser souffrir, puisqu'ils sont perdus quand même ?»« Je sais bien, disait-elle, mais ça me fait mal de voir ça. » On entendait sonner 9 heures, tous les bruits peu à peu se taisaient. Seule la cloche du couvre-feu se balançait encore, un petit moment, dans le fond de l'air, avec sa voix qui appelait. Elle se taisait à son tour. Il n'y avait plus rien que la rumeur d'un train passant sur le viaduc de fer avec un bruit d'arrachement, comme quand le rabot mord dans un nœud. Toute la nuit en était déchirée, mais le bruit s'éloignait déjà et le silence retombait plus profond. Il semblait qu'une nouvelle épaisseur du ciel se fût détachée. Elle nous recouvrait comme une étoffe à plis lourds. Bons et doux moments que c'était. Nous ne parlions ni l'un ni l'autre, pourtant on se comprenait. On avait fini la journée, et il y avait en nous à la fois le contentement de l'avoir fini et le contentement d'en voir venir une autre. Non pas qu'il s'y passât grand-chose, c'était des journées de petites gens. Manger, travailler, manger de nouveau, de temps en temps allumer une pipe, lever la tête alors et regarder autour de soi, puis cracher dans ses mains et se remettre à l'ouvrage. Mais c'est le dessous des choses qui importe, et le cœur agrandit tout. J'avais mis mon cœur à ces choses, je l'avais assis dans sa vérité. Un peu de temps passait donc encore. Tout à coup, Louise levait la main. « Regarde cette grosse étoile qu'il y a sur la dandoche. »« Ce n'est pas une étoile. »« Qu'est-ce que c'est alors ? C'est une planète. »« Quelle différence fais-tu ?» Je lui disais. « Il y a cette différence que les étoiles bougent et les planètes pas. »« Les étoiles, c'est comme qui dirait des soleils, tellement lointains seulement qu'ils paraissent tout petits. »« Mais enfin, elles sont en feu. »« Elles jettent des flammes. C'est pourquoi elles bougent. » Les planètes, au contraire, c'est des astres, comme la Terre. C'est des astres qui sont refroidis, et s'ils éclairent, ce n'est que par reflet. On était un peu astronome, il fallait bien le montrer. Quant à elle, elle m'admirait d'être si savant, elle me disait « Est-ce possible ? Ah, vois-tu, c'est grand le monde, et on se sent terriblement petit. » Ça ne fait rien, puisqu'on est deux. On avait aussi parfois des visites. C'étaient les hommes aux drues avec qui on s'était liés, et ils arrivaient le soir en voisins, n'ayant que le verger à traverser. C'étaient les Gringers, le dimanche, c'étaient des camarades, monsieur et madame Guignard étaient venus aussi un jour. On leur avait offert le café dans le jardin, Louise avait préparé des merveilles à l'huile de noix. Il y avait du beurre, de la confiture, de la crème fraîche, on était en août, il faisait très chaud. J'avais demandé à monsieur Guignard la permission d'ôter ma veste. Pour bien me montrer qu'il me traitait en ami, il en avait fait autant. On causait tranquillement, on voyait toute la rive, les débarcadères faisaient comme des barres en avant des maisons. Alors, tout là-bas, dans le bleu, une petite fumée en forme de boule se montrait, et dessous bougeait un point noir, c'était un bateau à vapeur. Il s'approchait peu à peu, en même temps que la fumée épaississait, et faisant une grande courbe, il abordait successivement à tous les débarcadères. Une vapeur blanche montait, un petit moment après arrivait le coup de sifflet. Cela venait entre nos phrases, mesurant la fuite du temps. Vite, on levait les yeux, on cherchait le bateau des yeux, on se disait « Voilà qu'il est déjà à Montreux, c'est l'après-midi qui passe. » Mais il y avait partout du soleil, partout de la vie. Je me représentais le pont du Bonnivard couvert de dames en toilette et de messieurs bien habillés. La foule se portant toute du même côté, à certains moments le bateau penchait. C'est quand on fait machine arrière. La roue qui tourne sur place tire du fond de l'eau des grappes de bulles blanches, et deux cygnes fâchés, gonflant leurs ailes et redressant le cou, s'éloignent dignement parce que c'est des bêtes fières. Pendant ce temps, on met en place la passerelle. Un remous se fait sur le pont. Des passagers débarquent, d'autres s'embarquent. Le gendarme a son uniforme du dimanche, une tunique à plastron bleu de ciel, un beau képi neuf, des gants blancs. Il faut s'attendre à un renchérissement du sapin d'ici à l'hiver. Ce n'est pas pour rien qu'on en a tant coupé ces années dernières. Il s'est fait rare. Je hochai la tête. Je me sentais dedans la vie. Où que je tendisse mes yeux, il y avait des choses qui venaient. Je me sentais mêlé à tout. C'est des moments de plénitude. Le bateau à vapeur continuait sa route. Du rivage vers nous, à travers les vignes, des chemins montaient. On voyait des gens sur tous les chemins. On voyait fumer la ville. Le soleil était encore haut dans le ciel. On entendait des cris d'enfants, des voix d'hommes et des voix de femmes dans les vergers autour de nous. Monsieur Guignard, du bout du doigt, faisait tomber la cendre de son cigare. Je rallumais le mien. Je regardais le bout de mon soulier bien ciré où l'orteil se marquait par une place en relief. Je disais quelque chose à mon tour et Louise s'est enlevée. « Est-ce que je puis vous verser encore une goutte de café, Madame Guignard ?»« Le fond de la tasse. » Il se trouvait qu'Henri avait maintenant une douzaine de lapins.